Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je suis toute seule dans le studio et je vais en profiter pour parler d'amour. L'amour qui, semble-t-il, devrait toujours rimer avec toujours. Et pourquoi je vais vous parler d'amour ? Eh bien, simplement parce que, en lisant la presse pendant ces derniers temps de vacances, j'ai découvert un article tout à fait sympathique sur l'amour de Joséphine de Beauharnais pour Napoléon Bonaparte. Vous connaissez Joséphine de Beauharnais? Eh bien, c'était une femme de la bonne société, née en Martinique, on dirait actuellement que c'était une béquée, et qui avait déjà été mariée, qui avait deux enfants, et qui a fait tourner la tête à Napoléon. Et elle est âgée de 33 ans quand elle l'épouse, alors que lui n'a que 27 ans. Elle l'adore. Mais comme elle connaît déjà de quoi la vie est faite, elle sait de quoi la vie est faite, elle l'adore peut-être pas simplement par amour, mais peut-être aussi par intérêt. Et donc, sur le marché de l'art, vont être vendues, dans quelques jours, une série de 50 lettres que l'impératrice a écrites à diverses personnes de sa famille, à des amis, à Napoléon lui-même, dans lesquelles elle raconte ses sentiments et surtout l'amour qu'elle prétend ressentir pour Napoléon. Par exemple, dans l'une d'entre elles, elle écrit à son amie Teresa Cabarrús: « Mon mari ne m'aime pas. Il m'adore, je crois qu'il deviendra fou. Il est impossible d'être plus heureuse que je ne le suis de ce côté. » Vous voyez, elle n'hésite pas à dire tout son amour. Ses lettres sont estimés à 15 000 ou 20 000 euros. C'est-à-dire que c'est un petit peu cher pour 50 lettres qui ont été réunies par un collectionneur français pendant plus de 40 ans. Et ces lettres vont être vendues aux enchères les jours prochains à Fontainebleau, qui est un lieu emblématique de l'Empire, sous le marteau de maître Jean-Pierre Orsena. Cette Joséphine, elle adorait Paris. Parce que Paris, c'était la source de mille intrigues dont elle jouissait sous le manteau. Et elle écrit avec une certaine hypocrisie, certainement, à une de ses amies: « J'ai fait le voyage le plus pénible qu'il soit de faire. J'ai été 18 jours en route, j'ai eu la fièvre en montant dans la voiture. » Elle partait en Italie. Elle allait en Italie retrouver Napoléon, qui était donc occupé aux campagnes d'Italie. Et elle poursuit: « Je n'ai vu Bonaparte qu'un moment. Il est très occupé par le siège de Mantoue. Je m'ennuie ici à la mort, au milieu de fêtes superbes que l'on me donne. » Cette relation avec Napoléon Bonaparte est extrêmement complexe. Année après année, on remarque que cette passion va se transformer et va déboucher sur des déchirements, sur des affrontements qui se termineront par un divorce, plus exactement une annulation. On fera une annulation du mariage parce que Joséphine de Beauharnais ne peut donner d'héritier à Napoléon qui, lui, de son côté, a eu des enfants avec d'autres femmes. Donc il considère qu'elle est devenue stérile, bien qu'elle ait eu deux enfants d'un autre mariage, et il va demander donc l'annulation de ce mariage. Et là, cette fin de vie sera marquée par les aléas de cet amour qui se termine. Elle l'écrit dans une autre lettre: ce sont tous les jours des scènes de la part de Bonaparte. Elle avoue elle-même que son couple est en proie au tourment. Elle dit: que les trônes rendent malheureux. J'en signerai demain sans aucune peine l'abandon pour moi et pour tous les miens. Le cœur de l'empereur est tout pour moi, et si je dois le perdre, j'ai peu de regrets à tout le reste. C'est ce qu'elle confiait à son fils, Eugène de Beauharnais. Et un peu plus loin, elle écrivait à Bonaparte lui-même: « Bonaparte, tu m'as promis de ne pas m'abandonner. Je n'ai que toi dans le monde, tu es mon seul ami. » Cette épouse, donc, que Napoléon avait épousée civilement en 1796, c'est-à-dire à l'époque où il n'était encore qu'un général de l'armée, En fait, c'est une espèce, c'est une femme assez intrigante. On a découvert dans son CV qu'elle s'employait à faire en sorte de fournir des armes pour l'armée Napoléon, et qu'elle en tirait de substantiels revenus pour ses frasques et le luxe dans lequel elle vivait. D'ailleurs, elle était haïe de la famille de Napoléon, et la sœur de Napoléon, Pauline, qui était du même âge qu'elle, qui avait à l'époque 33 ans, l'appelait la vieille. Elle méritait peut-être cette haine parce qu'elle, d'abord, elle était volage. Donc elle ridiculisait Napoléon. Malgré tout, Napoléon la couronnera impératrice en 1804, avant donc de se séparer d'elle. Il faut dire que Joséphine de Beauharnais, qui en fait s'appelait Marie-Joseph, mais Napoléon l'appelait Joséphine parce qu'il ne voulait pas l'appeler de la même manière que ses amants précédents, qui l'appelaient Joseph, donc lui il l'appelait Joséphine. Joséphine a donc été la grand-mère de nombreuses personnalités régnantes, entre autres, elle est la grand-mère de Napoléon III, qui succédera à Napoléon Ier après différents intermèdes historiques sur lesquels je ne veux pas revenir en ce moment. Elle sera la grand-mère aussi de l'impératrice Amélie du Brésil. Elle sera la grand-mère aussi du grand-duc Maximilien de Russie. Et par branche féminine, elle sera aussi grand-mère de différentes personnalités des familles royales actuelles de Belgique, de Norvège et de Grèce. Sacrée Joséphine. Je vous laisse et je vous retrouve dans un petit instant avec d'autres histoires d'amour. À tout de suite. Toi tu chantes l'amour de la haine. Alors arrêtons de faire des discours. Nous ne chanterons que l'amour. Tu es la fille que je cherchais. Attention, je n'ai pas dit oui. Je sais que tu m'attendais. Oh, reste avec moi, j'ai envie de provoquer ton amour. Toi, tu chantes l'amour de la haine. Alors arrêtons de faire des discours. Nous ne chanterons que l'amour. Tu es la fille que je cherchais. Maintenant que je t'ai dit oui, je sais que tu m'attendais. Oh, reste avec moi, j'ai envie de provoquer ton amour et de vivre pour toi et moi. Chers amis, je reviens avec l'amour. Cette fois-ci, nous allons parler d'amour contemporain. Je ne peux pas résister à la tentation de vous lire tout simplement un petit article que j'ai trouvé dans Le Figaro il y a une dizaine de jours. L'article est écrit par un journaliste qui s'appelle Anthony Palou, dans la rubrique « Bien vu ». Il a pour titre « L'amour vache ». Et comme sous-titre « L'amour est dans le pré, 5e saison ». M6, 22h20, hier. C'est-à-dire que le commentaire va concerner cette fameuse émission que nous avons aussi en Espagne et qui s'appelle « Granjero busca esposa ». La même histoire, la même difficulté, l'agriculteur qui cherche désespérément une femme pour l'accompagner dans son travail et dans sa vie. Et les deux choses étant très intimement liées, ce n'est pas toujours facile. Que nous dit Anthony Palou ? 10 agriculteurs et 2 agricultrices célibataires qui cherchent l'amour comme le cochon cherche la truffe. Présenté par la charmante et pétillante Karine Lemarchand, l'émission « L'amour est dans le pré », saison numéro 5, nous fait penser aux petites annonces du chasseur français. 12 courts portraits où les candidats se présentent sous leur meilleur profil, à l'instar de ces bestiaux bien brossés au salon de l'agriculture. Voilà Guy. 1m98, 38 ans, coup de taureau. Il appelle ses vaches « mes filles ». Il se dit bordélique, tendre et généreux. Son idéal de femme ? Entre 30 et 40 ans. Qu'elle soit aussi à l'aise en talons qu'avec des bottes. Voix off, si vous êtes intéressé par Guy, envoyez-lui une lettre avec photo. Ensuite, on passe à Nicolas, 27 ans, éleveur de vaches laitières dans l'Aveyron. Lui, il aime la salsa. Son grand défaut, il était en l'air. Il rêve d'une femme qui aurait entre 25 et 35 ans, pas sophistiquée, cuisinière, travailleuse. Là, ce n'est pas gagné. Et ensuite suivront Vincent, 34 ans, propriétaire angevin de 450 brebis qu'il bichonne. Sylvie, 30 ans, qui travaille en Poitou-Charentes. Cette éleveuse de chevaux place la barre assez haut. Elle rêve d'un homme brun, hâlé, musclé, bien habillé, rasé de frais, gentil, courageux, aimant les repas en famille. Ouh, le pauvre! Paul, lui, est un éleveur du Finistère. Il a 32 ans et il est bouddhiste. Oui, oui, il est bouddhiste. Une de ses vaches, laitière, s'appelle d'ailleurs Karine, la tête de la présentatrice. Quant à Johan, 34 ans, son exploitation est spécialisée dans le label rouge. Autant dire qu'il ne rigolera pas sur la qualité de sa future promise. Il lui faut une cocotte élevée en grain et en plein air. 6 autres garçons ont également postulé hier soir pour trouver la perle rare. On attend avec impatience sur M6 « L'amour est aveugle », une émission sur les non-voyants en chasse. Succulent, n'est-ce pas ? Et en même temps un peu triste. L'agriculture trouve en Espagne et en France les mêmes problèmes. Qui veut aller dans une ferme ? Qui veut travailler avec des animaux ? On remarque que tous les postulants sont des éleveurs, ganaderos, et presque aucun n'est agriculteur, cultivateur. Et pourtant, il nous faudra bien du lait le matin, il nous faudra bien un beefsteak le midi, il nous faudra bien du jambon le soir. Alors, question sans réponse. Allez, je vous quitte mes chers amis sur ces deux visions si différentes de l'amour, mais c'est de l'amour toujours, n'est-ce pas ? Au revoir, à la semaine prochaine.